en introduction, je vais simplement décrire l'état de l'humanité et son problème par rapport au péché, mais de manière très, j'allais dire, très succincte. Donc je vais passer au-dessus de termes, de choses, sans pouvoir les développer, parce que là, ce n'est pas un enseignement qu'il faudrait, mais c'est une semaine. Et pour après, me concentrer sur l'aspect du sang de Jésus. Donc l'homme a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il a besoin d'être pardonné de ses péchés. Le deuxième, c'est qu'il a aussi besoin d'être délivré de la puissance du péché qui le conduit de nouveau à pécher. Donc, il a besoin du pardon qui va agir sur sa conscience et il a besoin de la délivrance qui va agir sur sa façon de vivre. Et le double remède de Dieu pour le double problème de l'homme, on le distingue, l'un en le nommant le sang de Jésus, et le deuxième qui est la croix. Le sang concerne ce que nous avons fait, la croix concerne ce que nous sommes. Le sang de Jésus nous purifie de toutes nos fautes et efface notre culpabilité et notre condamnation. Alors que la croix vient à la racine même de notre nature de pécheur pour nous en délivrer. Donc maintenant, dans cet enseignement, je me concentre sur la première étape, le sang de Jésus, sa valeur et sa puissance. Par la suite, je ferai un enseignement sur la croix. Ce premier aspect a trait à la justification. Le deuxième, qui est la croix, a trait à la sanctification. Ce sont des termes théologiques. Concrètement, la justification, c'est la porte. C'est la porte pour entrer dans le salut. Et la sanctification, c'est le chemin dans lequel on marche pour continuer dans le salut. L'origine du problème, d'où vient-il? Bien sûr, on le sait, hein, à l'origine de l'humanité. Nous savons que le péché est apparu dans l'humanité par la désobéissance. Romains 5, 19 nous dit « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs », en référence bien sûr à Adam. Et là où il y a la désobéissance, il s'ensuit automatiquement un sentiment de culpabilité. Mais Dieu, de son côté, ne peut plus être en communion avec l'homme parce qu'il y a désormais un obstacle. C'est le mal commis dans la désobéissance. Et c'est cela que l'Écriture appelle le péché. Donc à partir de là, il y a trois réalités qui se mettent en place. La première, c'est Dieu qui déclare l'homme pécheur. Romains chapitre 3, verset 9. « Car tous ont péché ». La deuxième chose, c'est quand la conscience de l'homme s'éveille par la conviction du Saint-Esprit et lui-même alors, il s'écrit « Je suis pécheur ». Luc chapitre 15, verset 18. Et enfin, la troisième chose, c'est lorsque l'accusateur des frères, c'est ainsi que Satan est décrit dans le livre de l'Apocalypse, vient pour nous accuser en disant « Tu as péché ». Donc dans son plan pour nous sauver et nous restaurer, le Père a dû résoudre ces trois problèmes. Le péché comme séparation entre Dieu et l'homme, la culpabilité dans nos consciences et l'accusation de Satan contre nous. Donc numéro 1, nos péchés ont besoin d'être enlevés. L'obstacle entre Dieu et les hommes. Et ça, c'est le sang de Jésus qu'il a accompli. Numéro 2, nos consciences, accablées par la culpabilité, ont besoin d'être lavées et de trouver la paix. Comment ? Par la révélation de la valeur, par la révélation dans nos cœurs de la valeur du sang de Jésus. Et numéro 3, nous devons tenir ferme face aux attaques de l'ennemi en répondant à ses accusations. Et on va voir chacun de ces trois points en trois parties. Les Écritures nous révèlent que le sang de Jésus œuvre efficacement dans ces trois directions, pour Dieu, pour l'homme et pour Satan. Et si nous voulons marcher dans la bénédiction de ce que Christ a accompli pour nous, nous avons besoin de connaître et de nous approprier la valeur du sang versé à la croix. On va donc découvrir quelle est sa valeur et comment il œuvre dans chacun de ces trois domaines. Tout d'abord pour Dieu, pour l'homme et pour Satan. Première partie, donc, pour Dieu. Si vous prenez des notes, vous pourrez dire le sous-titre de cette première partie, c'est « Le sang de Jésus est premièrement pour Dieu ». Si nous sommes pardonnés, ce n'est pas parce que Dieu ferme les yeux ou parce qu'il regarde ailleurs. C'est uniquement parce qu'il voit le sang versé à la croix. Le sang n'est pas premièrement pour nous, mais pour Dieu. Et je vais expliquer ce que ça veut dire. Si je veux comprendre la valeur du sang, je dois d'abord connaître et accepter quelle valeur Dieu donne au sang de Jésus versé à la croix. Pour ça, il nous faut revenir en arrière dans le temps et regarder dans l'histoire d'Israël, qui est l'ombre des choses à venir. On voit que lorsque Dieu a fait alliance avec Israël, il a donné des commandements, et notamment pour couvrir le péché du peuple. Et là, il a ordonné au grand prêtre de sacrifier un animal, de prendre ce sang et d'aller l'amener, l'apporter, le présenter devant Dieu dans le lieu très saint, dans le tabernacle. Pourquoi ? Parce que le sang ne devait pas être présenté au peuple. Ce n'était pas au peuple à juger de la valeur de ce sang, mais c'était à Dieu. Donc ce sang devait être présenté à Dieu, premièrement à Dieu. Ce sang était là pour couvrir les péchés et apaiser la justice de Dieu. Mais la valeur de ce sang ne pouvait pas réellement effacer le péché, il les couvrait seulement. Et c'est pour ça qu'il devait recommencer le sacrifice chaque année. Mais ce sacrifice était une figure, une image de ce que Jésus allait devoir accomplir une fois pour toutes. En devenant lui-même le sacrifice, et en tant que grand prêtre, en amenant lui-même son sang versé à la croix devant Dieu, pour le rachat de tous nos péchés. On voit cela dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, versets 11 et 12. Je vous le lis. « Mais Christ est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré, une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » À qui est présenté le sang ? À Dieu premièrement. Parce que c'est lui qui apprécie sa valeur et son efficacité pour ôter le péché. Dans le livre de l'Exode, on trouve un autre événement prophétique qui annonce la mort de Jésus pour le salut des hommes. C'est la Pâque. Les Hébreux sont en captivité en Égypte et le jugement de Dieu arrive. Et Dieu demande à chaque maison, chaque famille, chaque tribu d'Israël, de sacrifier un agneau sans tache, sans défaut, et de prendre de son sang et de le mettre sur les linteaux des portes des maisons. Et Dieu dit, Exode chapitre 12, verset 13, « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Le sang est premièrement pour Dieu. Quand Dieu a vu le sang, cela a été suffisant pour lui, et il a sauvé du jugement chaque maison couverte par le sang d'un agneau. Lorsqu'on se confie dans le sacrifice de Jésus, son sang est comme mis sur les linteaux de notre vie. Et Dieu arrive et voit le sang de Jésus, et il nous sauve du jugement. C'est Dieu qui exerce la justice, et c'est lui qui dit « Je verrai le sang » et je passerai par-dessus vous. Le sang de Jésus a entièrement, complètement et parfaitement satisfait la demande de la justice de Dieu pour payer notre dette et pour nous sauver du jugement. Le sang est premièrement pour Dieu. Maintenant, si on essaye de visualiser ce que ça représentait, on peut voir cette porte ici. Si on place le sang sur les linteaux de cette porte, la famille se trouve à l'intérieur. D'accord ? Si une fois le sang mis sur les linteaux, le jugement arrive, l'ange de la destruction arrive, je dois être à l'intérieur de la maison pour être sauvé. Et je referme la porte. Est-ce que je vois le sang ? Non. je ne peux plus le voir. C'est l'ange qui va venir, qui va voir le sang. Et ceux qui étaient dans la maison, on peut s'imaginer, qui entendaient les cris de celles et ceux qui mouraient par le jugement, qui voyaient, sentaient l'ange se rapprocher. Et lorsqu'ils étaient dans leur maison, la seule chose qui pouvait leur donner la paix, c'était la confiance qu'ils avaient dans la valeur de ce sang. Ils ne pouvaient pas le voir, mais ils se confiaient dans le fait que Dieu a dit, si le sang est sur les linteaux, je passerai par-dessus. Le sang n'était pas pour eux, le sang était pour Dieu qui venait de le voir. Ça leur demandait de la foi. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 23 à 25, Paul dit ceci. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. » C'est un terme un peu théologique qui veut dire simplement « celui qui prend la place d'eux ». Une victime qui prend notre place. La place que nous, on aurait dû avoir, c'est lui qui la prend. Maintenant, ce verset-là, ça c'était la traduction Louis II, mais si on regarde dans le grec, littéralement, ce qui est écrit, et la Darby le traduit littéralement, dans ce verset, voilà ce qu'il est dit. « Par la foi en son sang. » Alors posons-nous la question. Avons-nous foi en son sang? Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Mais la dernière phrase ici, si on va dans la version Darby et qui est traduite au mot à mot, c'est « par la foi en son sang ». Et donc la question que je nous pose, c'est « avons-nous foi en son sang ?» C'est-à-dire, croyons-nous qu'il a la valeur que Dieu dit qu'il a ? Maintenant, voilà le problème auquel nous faisons face bien souvent. C'est que nous essayons de ressentir les choses pour les croire. Et là, je fais référence aussi à l'enseignement que j'ai donné la dernière fois. Nous essayons de ressentir et de savoir en nous-mêmes quelle est la valeur du sang de Jésus pour nous sentir sauvés. Mais nous ne le pouvons pas. Nous ne pouvons pas en nous-mêmes connaître la valeur du sang de Jésus. Ça ne marche pas ainsi. Le sang offert pour l'expiation de nos péchés ne nous est pas présenté à nous pour en déterminer la valeur ou l'efficacité. Non, le sang est d'abord présenté à Dieu. Dieu le voit et Dieu l'accepte à cause de la valeur de ce sang. Il nous faut ensuite accepter la valeur que Dieu lui donne par la foi. Mais si au lieu de ça, nous essayons de connaître et de trouver sa valeur et ce qu'il signifie à travers ce que nous ressentons, nous ne nous en sortirons jamais. Et nous resterons dans les ténèbres du doute, de la culpabilité et de la confusion. Non, il s'agit ici de mettre sa foi dans ce que Dieu dit et non dans ce que nos sentiments nous disent. Dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 18 à 19, il est dit ceci. « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Si Dieu a choisi d'accepter le sang de Jésus comme paiement pour nos péchés et comme prix de notre rédemption, alors nous pouvons être certains que la dette a été payée. Si la justice de Dieu a été satisfaite par le sang de Jésus, alors c'est que le sang est acceptable pour Dieu, comme paiement suffisant pour tous mes péchés. Jésus va dire ces paroles qui sont très fortes aux religieux de son temps. On lit ça dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 24. Il dit ceci, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors posons-nous la question, que croyons-nous qu'il est? Et la réponse est aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. C'est Jean-Baptiste qui dit ceci, « Il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » en dehors de Jésus, il n'y a aucun autre moyen d'être sauvé. Si nous ne croyons pas qu'il est l'agneau de Dieu, le sacrifice pour l'expiation, nous allons garder nos péchés et mourir avec. Mais pour celui qui croit en lui, qui se confie en Jésus, dans la valeur de son sang versé à la croix, Dieu dit qu'il ôte son péché et que ce n'est plus désormais un obstacle entre lui et le pécheur. Pour Dieu, le problème du péché est réglé et il déclare le pécheur justifié à cause non de ses propres œuvres, mais seulement et uniquement à cause du sang de Jésus. Épître aux Galates, chapitre 2, verset 16. « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair, autrement dit nul homme, ne sera justifié par les œuvres de la loi. » La loi qui était donnée à Moïse, on peut la résumer comme ceci. « Fais ceci et tu vivras. » Mais si tu fais cela, tu mourras. Sous la loi, ton salut dépend de tes œuvres, de ta capacité à obéir à la loi. Mais c'est impossible. Alors pourquoi donner la loi, si c'était impossible de la suivre? Pour nous amener la conscience du péché. Pour révéler le péché. Et révéler notre incapacité totale à vivre dans la sainteté et selon la volonté de Dieu. Et ainsi nous amener à la réalisation de notre besoin absolu d'un sauveur. C'est pour ça que Paul dira que la loi est un pédagogue qui nous conduit à Jésus-Christ, à notre besoin de Jésus-Christ, à notre besoin de la grâce. Et la grâce, c'est cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est se confier uniquement dans ce que Jésus a accompli et dans le mérite que lui a acquis par ses œuvres. Je ne peux donc plus être condamné sur la base de mes œuvres, bonnes ou mauvaises. Car, comme nous dit Paul dans l'Épître aux Romains chapitre 8 verset 1, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi, c'est « fais ceci et tu vivras ». La grâce, c'est « crois en moi, nous dit Jésus, et tu vivras ». La deuxième partie, c'est le sang pour celui qui croit. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 22, il est dit ceci, « Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Par la révélation de la valeur qu'a le sang pour Dieu, je peux alors accepter par la foi le don gratuit du pardon de mes péchés et la rémission de ma dette. Je comprends alors la transaction qui a eu lieu quand Jésus entra au ciel avec son propre sang dans le tabernacle céleste. Tous mes péchés ont été payés. Premier épître de Jean, premier chapitre, versets 7 et 8. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors que je me repens et que je me confie en Jésus et dans son sang précieux, ma conscience est lavée de toute culpabilité. Rien n'est plus précieux. D'avoir une conscience libérée du poids de la culpabilité et de la honte. Et dans cette glorieuse transaction, Dieu a ôté tous nos péchés et en échange, nous a recouverts de la justice de Jésus. Comme s'il nous revêtait d'un vêtement blanc, pur. Qu'est-ce que c'est que la justice de Jésus-Christ? Là, il y a une difficulté dans le langage français. Parce que le mot « justice », dans notre langage, on imagine l'instrument du gouvernement qui a trait à la justice, à cette notion de ceux qui rendent la justice. Mais dans le contexte du Nouveau Testament, la justice veut dire autre chose ici. Pour comprendre ce que c'est, il faut comprendre ce que c'est qu'une vie juste. Une vie juste, c'est une vie en conformité aux standards, à la loi morale et spirituelle établie par Dieu. Donc la justice de Jésus, c'est la comptabilisation de sa vie qui a été en conformité aux standards moraux et spirituels établis par Dieu. C'est l'épreuve, c'est le registre de toutes ses œuvres dans son obéissance à la volonté de Dieu. On pourrait dire que c'est le casier judiciaire de Jésus, c'est son palmarès devant la sainteté de Dieu. C'est ça ce qui forme la justice de Jésus. C'est comme un dossier devant Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et là, il y a cet échange. Notre casier judiciaire est effacé. Et à la place, nous sommes recouverts de la justice de Jésus, de son palmarès, de sa capacité, de toute la comptabilisation de toutes ses œuvres nous est imputée comme si nous étions aussi justes que lui devant Dieu. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20, Paul dit « Celui qui n'a point connu le péché, en parlant de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Voilà l'échange. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience vient de cette révélation, d'accepter cette transaction glorieuse, d'accepter que tout a été accompli, tout a été parfaitement payé, chacun de mes péchés. Et lorsque je le reçois par la foi, alors cette vérité, par la foi, vient laver mon cœur d'une mauvaise conscience. Dans quel état est notre conscience aujourd'hui? Est-ce que notre conscience fluctue avec l'état de nos œuvres? Ou notre conscience est-elle lavée par la révélation de l'œuvre parfaite que Jésus a accomplie à la croix pour nous? Si nous avons mauvaise conscience, c'est que quelque part, nous avons désobéi. Nous savons que nous avons désobéi. Mais alors là, il y a deux options. La première, c'est j'ai mauvaise conscience parce que je sais que j'ai désobéi, mais je n'ai pas renoncé ni confessé mon péché, et le Saint-Esprit veut me convaincre d'abandonner mon péché qui mène à la mort pour me ramener à Dieu, pour recevoir la vie. Si c'est notre cas, alors il y a une chose que nous avons besoin, c'est de nous repentir. La deuxième option, c'est je sens dans ma conscience la culpabilité, je n'ai pas une conscience qui est en paix, j'ai confessé mon péché, je veux y renoncer, mais il m'accable et je ne trouve pas la paix. Et je reste dans un état général de culpabilité, avec même le sentiment d'être comme rejeté par Dieu. Dans ce cas, il me faut entrer dans la grâce et recevoir par la foi le pardon sur la base du sang de Jésus. Alors mon cœur sera purifié d'une mauvaise conscience et je recevrai la paix que Dieu veut me donner. Il nous faut nous poser la question, sur quelle base viens-tu dans la présence de Dieu? Est-ce que c'est vraiment en vertu du sang de Jésus que tu sais que tu peux venir avec assurance devant le trône de la grâce? Ou bien est-ce en comptant sur autre chose? Sur quelle base crois-tu pouvoir t'approcher librement de Dieu? Est-ce sur la base de tes ressentis, de te sentir suffisamment ok, suffisamment clean, suffisamment bon chrétien, suffisamment méritant grâce à tes bonnes œuvres, grâce à ta piété, grâce à tes bonnes actions? Est-ce que ta bonne conscience vient du fait que tu as bien lu ta Bible cette semaine, bien prié, bien jeûné et que tu n'as pas commis de mauvaises actions récemment? Alors, écoutons attentivement ceci. Une bonne action ne peut jamais être basée sur les victoires. Une bonne conscience ne peut jamais être basée sur les victoires que nous avons pu gagner. Elle ne peut seulement et uniquement être établie que sur la base de notre foi en ce que Jésus a donné sa vie pour nous et qu'il a versé son sang à la croix pour nous racheter. Et de la même manière, si nous disons « Aujourd'hui, je me suis disputé avec ma femme, avec mon mari, j'ai mal commencé la journée, je ne me sens pas très spirituel, j'ai chuté dans tel ou tel domaine, donc je ne me sens pas prêt à m'approcher de Dieu. Pas maintenant. » Nous sommes en train, si nous faisons cela, de regarder à ce que nous avons fait, à ce que nous avons accompli ou mal accompli, pour déterminer si nous sommes suffisamment méritants, si nous allons être acceptés du Père ou non, si nous avons l'accès pour nous approcher de lui et être en communion avec lui. Mais la seule œuvre accomplie qui nous permet de venir librement dans la présence de Dieu, en étant entièrement justifié, entièrement accepté, c'est seulement l'œuvre de Jésus à la croix. La valeur de son sang versé pour toi, pour moi, ne change pas en fonction de mon état, de ton état. Si tu es fort ou si tu es faible, sa valeur ne change pas et ne changera jamais. Et quand nous plaçons notre confiance dans la valeur du sang et que nous marchons par la foi en ce que Jésus a accompli pour nous, alors nous pouvons toujours venir avec assurance dans la présence du Père. Et cette assurance ne vient pas de nous-mêmes, elle vient du sang. Et jamais de nos propres œuvres ou de ce que nous croyons avoir réussi à mériter. Tu as chuté, tu as péché, alors repens-toi. Confesse ton péché et renonce-y et crois en sa parole qui te dit que si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Si tu recommences à pécher dans le même domaine, sois sérieux avec Dieu, sois radical, va chercher de l'aide, jeûne et prie pour trouver la victoire. Et si tu fais face à une addiction ou à une forteresse dans ta vie qui est plus forte que ta volonté, comprends que Dieu est pour toi et persévère dans la grâce. Relève-toi autant de fois que tu tombes et à chaque fois, cours vers le Père pour recevoir le pardon et pour demeurer en lui. Oui, mais combien de fois ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où le stock est épuisé ? C'est ce que je me suis souvent dit. Combien de fois vais-je devoir demander pardon à Dieu, sans abuser, sans arriver au point où c'est trop. Combien de fois Dieu va-t-il nous accorder son pardon ? Lorsque les disciples posent cette question à Jésus dans le pardon réciproque, combien de fois est-ce qu'il faudra, parce que s'il recommence, et si à chaque fois qu'on le croise, celui-là ou celle-là, il faut à chaque fois pardonner, Jésus, il faut une limite. Place la limite. Et Jésus dit 7 fois 77 fois. Autrement dit, autant de fois qu'il faudra. Alors si Jésus nous demande à nous de nous pardonner autant de fois qu'il faudra, à combien plus forte raison ? Lui qui est riche en bonté, qui est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, à combien plus forte raison, Dieu nous pardonnera 7 fois, 77 fois, autant de fois qu'il le faudra pour nous restaurer, pour nous relever, parce que Dieu est pour nous, parce qu'il veut nous sauver, parce que sa miséricorde triomphe du jugement, parce que c'est Jésus-Christ qui a payé pour chacun de nos péchés, pour tous nos péchés, passés, présents et à venir. Et si l'homme vient de cette humilité, cette repentance, le cœur brisé de ce qu'il a encore chuté, le cœur du Père est là, non pas pour l'enfoncer, il n'éteindra pas le luminon qui fume, mais pour le relever, pour nous restaurer, pour nous faire grâce. Parce que ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions se renouvellent chaque matin. Parce que chaque matin, l'homme a besoin de la grâce de Dieu pour se relever, pour trouver le pardon, pour recevoir la grâce dont il a besoin. et pour marcher en communion avec Dieu. Parce que sans ce pardon qui est infini, nous serions perdus. Tous nous serions perdus. Mais gloire à Dieu, en Jésus-Christ, nous avons un si grand salut. Et c'est pour ça que Paul dira que personne ne se prive de la grâce. Parce que dans notre nature arrive le moment où on voudrait dire stop. Et on se priverait de la grâce de Dieu. Mais en se privant de la grâce, on se prive du salut. On se prive de la source du salut. Parce que Dieu est pour nous et pas contre nous. Je nous invite, si c'est, on se reconnaît dans cette description de cette lutte dans la culpabilité, j'invite chacun à méditer le psaume 103, à le lire chaque matin et à méditer le psaume 103, à voir le contexte de ce psaume, ce que David a vécu et la compréhension, la révélation qu'il avait du cœur de Dieu pour sa vie. Méditons le psaume 103. Lisons-le à haute voix. Comprenons que la conviction de péché n'est pas là pour nous éloigner de Dieu, mais pour nous rappeler à lui. Car sans la grâce qui nous permet de recevoir ce que nous ne méritons pas, encore et encore, encore et encore, encore et encore, nous ne pourrons jamais trouver la victoire sur ce qui nous tient dans l'esclavage. Paul dit ceci dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 14. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes... » non sous la loi, mais sous la grâce. Paul identifie le terrain sur lequel le péché va perdre son pouvoir. Ce n'est pas le terrain de la loi, c'est-à-dire de nos propres œuvres, de notre propre justice, mais c'est sur le terrain de la grâce, de ce que Dieu donne et que nous ne méritons pas. C'est sur ce terrain-là que se trouve la puissance pour vaincre le péché dans nos vies. Alors si nous luttons avec des forteresses de péché dans nos vies, il nous faut demeurer et rester ou entrer peut-être sur le terrain de la grâce, parce que c'est là seul que se trouve la victoire sur le péché. La victoire sur le pouvoir du péché est seulement en Jésus. En nous-mêmes, il n'y a aucune puissance et il n'y a pas la vie, nous dit Jésus, Jean 15. Et c'est uniquement par la grâce que nous, pécheurs, pouvons être pardonnés, justifiés et maintenus dans l'alliance, si nous restons dans l'humilité et la repentance. C'est uniquement par la grâce que nous pouvons demeurer en Jésus et recevoir sa vie et sa victoire sur le péché, pour qu'elle se manifeste dans chaque domaine de notre vie. Le seul endroit où trouver la victoire sur le péché, c'est dans la présence de Dieu. Et sur quelle base pouvons-nous nous approcher du Père et entrer dans sa présence pour recevoir les guérisons et les délivrances dont nous avons besoin? C'est sur la seule base du sang de Jésus et de sa valeur que nous pouvons entrer dans la présence du Père et nous approcher de lui avec assurance, sans crainte. Hébreux chapitre 10, verset 19. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » Au moyen du sang de Jésus, nul autre moyen nous ouvre l'accès au sanctuaire, dans cette intimité, dans la présence du Père, que le sang de Jésus. Alors, écoutez bien ceci. Ce qui nous ouvre l'accès auprès du Père, ce ne sont pas nos bonnes actions. De même, nos mauvaises actions ne peuvent pas non plus nous en fermer l'accès si nous venons en reconnaissant notre impuissance et notre péché, mais en nous confiant uniquement dans le sang de Jésus. Je veux le redire. Ce qui nous ouvre l'accès auprès du Père, ce ne sont pas nos bonnes actions. De même, nos mauvaises actions ne peuvent pas non plus nous en fermer l'accès si nous venons en reconnaissant notre impuissance et notre péché, mais en nous confiant uniquement dans le sang de Jésus. Nous sommes peut-être faibles, mais ce n'est pas en regardant à nos faiblesses que nous deviendrons plus forts. Ce n'est pas en nous centrant sur notre misère que nous serons rendus plus saints. Aucune aide ne peut être trouvée dans cette direction. Alors détournons les regards de nous-mêmes et fixons les regards sur Jésus et sur la croix. Alors, grâce à son sang précieux, approchons-nous du Père. Et nous pouvons prier de cette manière. Seigneur, je ne connais pas véritablement la valeur du sang de ton Fils Jésus, mais je sais qu'il était suffisant pour toi. C'est pourquoi je proclame qu'il est suffisant pour moi. Je ne me confierai en rien d'autre. Je viens les mains vides, n'ayant rien en moi-même qui puisse faire la différence, recevant tout de toi, car toi seul tu me sauves entièrement. Et chaque fois que je viendrai dans ta présence, ce sera toujours sur la base de ton sang précieux. Amen. Alors, notre conscience est vraiment lavée de toute culpabilité devant Dieu. Jamais, jamais, notre conscience ne peut être rendue pure en dehors de la révélation du sang de Jésus-Christ. Nous passons à la troisième et dernière partie. Vaincre l'accusateur. Comment le sang de Jésus œuvre-t-il efficacement envers Satan? En plaçant Dieu du côté des hommes et contre Satan. Et contre Satan. Voilà ce que fait le sang de Jésus. Il place Dieu du côté des hommes contre Satan. À cause de la désobéissance des hommes, le péché a donné à Satan une raison de les accuser devant Dieu. Mais rappelons-nous que pour Dieu, si l'homme se confie dans le sang de Jésus, son péché est ôté, il est effacé, et Dieu ne s'en souvient même plus, nous dit les Écritures. Il le place au fond de la mer. Le sang de Jésus restaure l'homme vers Dieu et Dieu vers l'homme. Et pour l'homme qui s'est repenti et qui se tourne vers Jésus, il se trouve maintenant sous la protection divine. Et parce que Dieu est désormais de son côté, l'homme peut faire face à Satan sans crainte. Premier épître de Jean, chapitre 1, verset 7, Jean nous dit ceci: « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Alors ici, tout péché veut dire tout péché. Ça veut dire chacun d'eux. Chacun d'eux individuellement. Chacun des péchés que nous avons commis, que nous commettons et que nous commettrons. Les gros péchés comme les petits. Les très sombres et ceux qui nous semblent peut-être moins graves. Ceux dont on accepte d'être pardonné. Et ceux qui nous semblent impardonnables, les conscients et les inconscients, ceux dont on se souvient et ceux que l'on a oubliés. Tous ces péchés sont inclus dans ces mots de l'apôtre Jean, tout péché. Si nous marchons dans la lumière où se trouve Dieu, c'est-à-dire en ne lui cachant rien, dans cette humilité qui produit le brisement, de se voir tel que l'on est, de voir notre vraie nature, ce qu'il y a dans nos cœurs, ce qu'il y a dans nos pensées, ça nous amène à un brisement. Mais dans cette humilité, nous sommes dans la lumière avec Dieu. Et si nous marchons dans cette lumière sans rien cacher, en cherchant par le Saint-Esprit à nous détourner de chacun de nos péchés et de notre ancienne manière de vivre, alors le sang de Jésus nous purifie. Il nous purifie de chacun de nos péchés. Et alors que Dieu voit et connaît chacun de nos péchés, et qu'il peut les pardonner grâce au sang de Jésus, sur quelle base le diable peut-il encore nous accuser? Tout est mis à la lumière. Satan essaye de nous accuser devant Dieu, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous dit Paul dans l'Épître aux Romains. Et ce terme-là, c'est intéressant parce qu'on l'utilise souvent dans les milieux chrétiens, j'allais dire dans un contexte guerrier, dans un contexte de combat, de rapport de force, où on aurait besoin de la protection de Dieu face à un ennemi qui viendrait peut-être nous agresser. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, les chrétiens? Mais ce n'est pas du tout le contexte du passage. Le contexte de ce passage, c'est le contexte juridique, le contexte d'un procès où nous sommes les accusés et où Dieu est le juge et Satan est l'accusateur. C'est un terme, ce sont des termes juridiques et c'est ça le contexte dans lequel ce passage se trouve. Et Paul dit, dans ce procès, si Dieu est pour nous, qui sera encore contre nous? Si Dieu le juge se lève et va dans le box des accusés, place son bras autour de nous et dit, moi, je justifie cet homme, cette femme, et je suis pour lui. Qui encore viendra amener des charges contre cette? Qui viendra encore nous accuser? C'est ça le contexte. Voilà la réponse de Dieu contre laquelle Satan ne peut plus rien. Romains chapitre 8, versets 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Mais la raison pour laquelle nous acceptons si facilement les accusations de Satan, c'est que nous croyons encore pouvoir satisfaire la justice de Dieu en nous-mêmes. En d'autres termes, on essaye encore de montrer à Dieu, par nos bonnes actions, que nous sommes dignes qu'il nous accepte, que nous pouvons être de bons chrétiens, que nous pouvons être des justes, à la lumière de sa justice et de sa sainteté. Folie de l'homme. Tout cela basé sur nos bonnes actions et nos œuvres. Mais la base de notre espérance est fausse. Car aucun homme ne sera justifié sur la base de ses œuvres, nous dit la parole de Dieu. Satan a réussi à nous faire regarder dans la mauvaise direction, c'est-à-dire à nous-mêmes, à ce que nous faisons. Oui, le Père nous appelle à vivre libre du péché. Et c'est possible, et c'est la promesse de l'Évangile. Le Père nous appelle à vivre dans la sainteté, mais comme une conséquence de notre foi en son salut. Et pas comme une condition pour rester et accéder à Dieu et à son salut. La puissance pour une vie sainte vient de la grâce. C'est ce que nous avons lu. La grâce de Dieu révélée aux hommes, source du salut. C'est la grâce qui est la source et pas l'inverse. Oui, tout est par Jésus, en Jésus et pour Jésus. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Méditons Jean chapitre 15, tout le chapitre. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. En nous-mêmes, nous n'avons pas la vie. C'est seulement en Jésus que se trouve le salut, la puissance pour vivre cette vie de sainteté. Et c'est par la grâce que nous venons en communion avec Jésus. C'est uniquement par la grâce que nous pouvons avoir accès à cette communion vivante avec Jésus. Et uniquement dans cette libre communion avec Jésus, où nous avons la paix avec lui, le cœur lavé d'une mauvaise conscience par la foi en son sang, que toute sa puissance peut agir pour notre sanctification, pour nous délivrer de notre ancienne nature et de ses mauvais penchants. Alors que nous le contemplons à visage découvert, lui qui nous a acquis un si grand salut, nous remplit de joie et il nous transforme à son image. Et c'est lui qui est notre sanctification. Mais au départ, il nous faut abandonner toute espérance d'accomplir quoi que ce soit de bon par notre chair. Alors, nous ne serons plus choqués ou dévastés si nous faisons face à la réalité de ce que nous sommes et de ce que nous faisons, du péché qui revient et qui est là et qui est si profondément ancré, enraciné dans notre nature. Nous ne serons plus dévastés devant ce constat. Et nous accepterons que nous ne pouvons ni faire le bien que Dieu nous demande, ni nous sauver nous-mêmes. Parce que si nous n'avons pas clairement vu et compris notre nature de péché et notre impuissance, nous aurons encore quelques attentes, quelques espérances en nous-mêmes. pour faire, pour mériter. Et lorsque Satan viendra pour nous accuser dans le domaine de ce que nous faisons, on va plonger dedans. Parce qu'on n'aura aucune base pour nous défendre de ces accusations. Je prends un exemple. Parfois, il y a ces pensées qui peuvent venir. Regarde, tu as encore fait ça. Pourtant, tu as fait un séminaire sur ce thème. Pourtant, tu as bien lu un livre sur ça. Regarde où tu en es encore. Alors, ça sert à quoi? Tu ne vas jamais apprendre? Tu es vraiment rebelle? Sans espoir. Je pense que Dieu il va passer à autre chose parce que depuis le temps qu'il essaye, tu as vu comme un tel, il prie, il lit sa Bible. Il nous amène à la comparaison. Tu as vu comme un tel, elle prie, elle lit sa Bible. Et tu as vu Sandra, comment elle prie pour les malades et les malades, ils sont guéris. Et toi, c'est quand la dernière fois que tu as guéri un malade? J'y crois pas, tu as encore chuté là-dedans. Tu as encore chuté dans ceci ou dans cela. Mais comment tu veux que Dieu soit content de toi? Après toutes ces années, ta vie spirituelle est vraiment pauvre et misérable. J'imagine que Dieu ne doit pas être très fier ni content de toi. Et toutes ces voix qui nous susurrent à l'oreille comme du poison pour notre âme. Parce que ça nous maintient le regard fixé sur nous-mêmes. Sur notre péché, sur notre misère, sur notre réalité, mon ressenti, mon sentiment, et ainsi de suite. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit pour Dieu, nous devons être pardonnés. Être aimé par le Père en Jésus-Christ, par la foi. Il nous faut abandonner tout espoir d'être aimé grâce à ce que nous pouvons faire pour lui. Il nous faut mourir à tout espoir d'accéder au pardon et à l'acceptation de Dieu grâce à nos bonnes œuvres. Il nous faut recevoir le don gratuit du pardon et de l'amour du Père grâce au sang de Jésus, qui nous a rapprochés de Dieu et nous a réconciliés avec lui. Et alors, de cette communion restaurée avec le Père par la grâce, Jésus va demeurer en nous. Et c'est lui qui portera du fruit en nous. Et c'est lui qui va faire en nous. Je peux tout par celui qui me fortifie. Ce que je vais dire peut peut-être choquer au départ, mais écoutez jusqu'au bout. Avant de me lapider. Dieu peut gérer plus facilement le problème du péché que de gérer un homme ou une femme qui reste sous l'accusation. Pourquoi? Parce qu'un tel homme ou une telle femme ne se confie pas ou plus dans le sang de Jésus, mais dans sa propre capacité à faire le bien. Et il sort ou elle sort ainsi du champ de la foi et ne peut plus recevoir la grâce que Dieu veut donner. Le sang parle en sa faveur, mais au lieu de ça, il ou elle écoute la voix de Satan qui l'accuse. Christ est notre avocat, mais nous, les accusés, faisons équipe, nous mettons du côté de l'accusateur. Nous n'avons pas reconnu qu'à cause du péché, de toute façon, nous ne méritons rien d'autre que la mort. Nous ne qualifions pour rien d'autre que d'être crucifiés. Nous n'avons pas reconnu que c'est Dieu seul qui nous sauve. C'est Dieu seul qui peut répondre à l'accusateur. Et dans le sang précieux de Jésus versé à la croix, il l'a déjà fait. Mais c'est trop simple. L'évangile est simple. Et Paul met en garde de ceux qui s'éloignent de la simplicité qui est en Jésus-Christ. Il nous faut être comme des enfants, nous dit Jésus, si nous voulons entrer dans le royaume des cieux, pour recevoir simplement avec la foi d'un enfant le don gratuit du pardon de nos péchés. L'évangile est simple, mais c'est aussi une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Notre salut repose dans le fait de fixer nos regards sur Jésus et de voir que le sang de l'agneau a satisfait toutes les exigences de la justice de Dieu. Notre salut repose dans notre foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Si Dieu te justifie, qui apportera encore des charges contre toi? Lorsque Israël murmurait contre Dieu dans le désert et péchait à nouveau contre Dieu, le jugement tombe et les serpents sont partout dans le camp à mordre et à faire mourir. La malédiction du péché, c'est comme illustré de manière concrète à ce moment-là. Et Dieu dit à Moïse, forge un serpent d'airain en haut de ton bâton, mets-toi sur la colline, et tous ceux qui regarderont le serpent d'airain seront sauvés. Quelle image de l'œuvre de Jésus à la croix. Ce serpent d'airain, il représente le péché. Le péché a été vaincu, mis à mort sur cette croix. Et pour tous ceux qui lèvent les yeux pour regarder à l'œuvre que Jésus a fait à la croix, ils seront sauvés. Mais pour tous ceux qui couraient après les serpents à essayer de se débattre et à regarder leurs blessures et dire « mais c'est pas possible, mais je suis atteint, je suis infecté », il n'y a aucun salut. Aucun salut, aucune issue, aucune solution, aucun espoir à regarder aux serpents pour essayer de les éviter, de les fuir, de s'en protéger. La seule solution était de lever les yeux vers le serpent d'airain. Et instantanément, ils étaient sauvés et guéris. C'est ça la foi. Et Dieu nous appelle à détourner nos regards de nous-mêmes pour lever les yeux vers Jésus, croire en lui, croire en la valeur de son sang et être sauvés. Marchons donc par la foi en ce que Dieu a accompli pour nous. Son sang est suffisant. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 17 et 18, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Je vais terminer simplement en lisant ce passage du prophète Ésaïe qui décrit le salut de Dieu. Et après cela, nous allons prendre le repas du Seigneur. Nous allons prendre le pain et le vin. Je prendrai un chant en même temps et chacun librement, on pourra se déplacer vers la table, prendre la coupe et prendre le pain dans ce cœur à cœur, dans ce face à face avec le Seigneur. Je prie que dans cet acte prophétique que Jésus nous a donné, alors qu'on prendra la coupe, on puisse ouvrir nos cœurs avec la foi d'un enfant pour entrer dans la grâce et recevoir ce que Dieu nous donne gratuitement, mais ce qui lui coûta si cher. Parce que c'est là seul que se trouve le salut des hommes. Et que nous puissions mettre notre foi dans la valeur du sang de Jésus. Parce que c'est Dieu qui a vu le sang et qui a dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et que nous puissions chacun, pour nos propres vies, recevoir cette vérité, recevoir le don gratuit de la justification, du pardon que Dieu veut nous donner. Et que personne ne se prive de la grâce. Si nous avons, comme je l'ai dit avant, des péchés auxquels nous n'avons pas encore renoncé, alors je nous invite, avant d'aller prendre, à trouver quelqu'un, de se mettre à part, peu importe où, de confesser vos péchés. Comme Jacques le dit, confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Et guéris aussi de cette culpabilité qui nous gangrène et qui nous coupe de la communion avec Dieu. Mais que personne ne se prive de la grâce. Et que lorsque nous prenons cette coupe, nous puissions peut-être comme jamais recevoir par la foi le don du salut en Jésus-Christ. Et que nos consciences soient lavées. Que nos cœurs soient lavés d'une mauvaise conscience. Pour recevoir la paix avec Dieu. Cette paix qu'il veut nous donner. Peu importe là où nous en sommes. Peu importe ce que nous avons pu faire. Que nous détournions nos regards de nous-mêmes pour les fixer sur Jésus. Et recevoir la paix. Recevoir le pardon. Être réconcilié avec Dieu. Et poser nos pieds. Et être profondément enraciné par la foi dans l'œuvre parfaite que Jésus a accomplie à la croix. Il s'est écrié « Tout est accompli ». Et dans le grec, ce mot-là, il veut dire « parfaitement parfait, complètement complet ». Il ne manque rien à l'œuvre de salut que Jésus a accomplie à la croix. Nous ne pouvons rien rajouter, nous ne pouvons rien amener. Nous avons à recevoir gratuitement le don de Dieu. Alors je nous lis ce passage de Ésaïe. Après je prendrai ce chant et chacun donc pourra librement venir à la table dans ce face-à-face et ce cœur-à-cœur avec Dieu. Ésaïe chapitre 25, verset 6 et suivant. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut.